notre nom de la tyrannie. L'étendard aglante la vie, l'étendard aglante la vie. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras. Égorgez aussi ces vos campagnes. Aux armes, citoyens, armées, sauvages, saillants, marchons, marchons, sans attendre, à bras de l'océan. Amour sacré de la patrie, conduit au dia, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs, sous le drapeau que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirant, à ton triomphe.